que se nos pase. Mais c'est tellement nouvelle cette chanson française qu'il faut que je lis toutes les paroles parce que elle vient de la fête il y a 3 jours. Elle a seulement 3 jours. Et c'est pour ça que j'ai les paroles ici. Mais je vous promets que depuis aujourd'hui, elle va être très populaire en France. Vous voyez. Je pense. La mer qu'on voit danser. Les langues des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, oh si elle était. Avec les anges suffire la mer, que je résassure infini, oh yeah. Voyez, près des étangs. Les averses et long des golfes clairs et des chansons d'amour la mer, oh, a versé mon cœur pour la vie, la vie. Voyez. Des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, oh ya, jamais. Les averses, les langues des golfes clairs et des chansons d'amour, la mer, oh, a versé mon cœur pour la vie. Oui, merci. Avant de finir, je voudrais bien que vous fassiez un grand applaudissement pour la belle orchestre de l'Olympia de Paris, que c'est magnifique, s'il vous plaît. Très. Merci pour mes musiciens. Il vient toujours avec moi pour tout le monde, c'est Tony la guitare, c'est Agustin la batterie, c'est Vicente la guitare basse, et pour notre directeur avec lequel je compose presque toutes mes chansons, c'est Raphaël Ferro qui est la guitare.